Chapitre 7e. Vous ne m'attendiez pas, dit l'archimandrite pendant qu'on s'empressait de lui servir du thé. Il s'était assis dans un large fauteuil de cuir, l'abri d'un store vert, et toute sa personne respirait le repos et la satisfaction. L'archimandrite Arsène n'était pas un homme ordinaire. On a beaucoup abusé dans les romans de ceux qui se jettent dans un cloître pour guérir quelques blessures incurables, et cependant, ce fait se présente quelquefois. Celui qu'on appelait maintenant le père Arsène avait été un brillant officier de marine. Jeune encore, il avait commandé une frégate, et lors de ses congés, Pétersbourg n'avait pas connu de plus aimable mondain. Tout à coup, au moment où sa carrière semblait fixée, où la faveur de la cour lui assurait le plus bel avenir, il avait quitté le monde et était entré au couvent comme un novice de 16 ans. On avait dit, et il laissait dire, que la douleur causée par la mort de sa mère lui avait rendu la vie insupportable, mais il est probable qu'une autre douleur, plus intime, de celle qu'on voudrait se cacher à soi-même, avait précédé ou accompagné celle-là dont il s'était fait un prétexte. Certains vœux monastiques admettent en Russie la conservation d'une fortune personnelle. On peut être astreint à vivre aussi simplement que le dernier frère converse et posséder en même temps des revenus considérables. Ces revenus, qui ne sont pas la propriété du couvent, permettent aux moines de faire de bonnes œuvres en dehors de leurs pratiques pieuses. Il n'est pas douteux que dans le cas où cette fortune deviendrait un objet de scandale, celui qui la possède serait obligé d'en restreindre l'emploi. Mais en ce qui concernait le père Arsène, nul n'eut jamais occasion de s'en plaindre ou de s'en formaliser. Au bout de 10 ans d'humilité, promu par la sympathie générale au rang de prieur ou archimandrite du monastère où il avait fait profession, le marin y établit aussitôt une discipline militaire qui surprit tout le monde et produisit des résultats bien extraordinaires. Au bout de 6 mois, non seulement il n'y avait plus de puces au couvent, mais les murs blanchis à la chaux conservaient leur candeur nouvelle. Les planchers soigneusement lavés, ratissés, passés au sable, rappelaient le pont du vaisseau que le brave homme avait commandé jadis. Plus de toiles d'araignée dans les coins, plus de nids à poussière dans les fenêtres, tout était luisant et propre comme à bord. La métamorphose s'étendit plus loin. L'esprit entreprenant du père Arsène avait besoin d'un autre aliment que les offices. Il avait organisé une maîtrise, retrouvé l'ancienne psalmodie et rétabli les chants sacrés dans leur pureté primitive, bannissant impitoyablement des cœurs ceux qui chantaient faux. Il avait obtenu un quatuor qui devint célèbre, même dans un pays où presque tous les couvents sont renommés par la perfection de leurs hymnes d'église. Mais cette occupation purement intellectuelle laissait aux moines de longues heures de paresse, dorées du beau nom de méditation. Le père Arsène ne voulait pas tant de méditation et il se mit à la recherche d'une occupation moins idéale. Un jour qu'il se promenait hors de l'enceinte du monastère, appuyé sur une canne qui lui était utile, car il souffrait parfois de la goutte, il s'arrêta devant un champ appartenant à la communauté et dont jusqu'ici on n'avait pu tirer aucune espèce de produit. La terre y fournissait avec une profusion vraiment regrettable une sorte particulière de chardon, dont les têtes rudes et fermes se refusaient obstinément à faire le plus maigre fourrage. On avait arraché 20 fois ces plantes obstinées, on avait labouré et hercé le champ, semé des graminées ou des céréales, et au printemps, c'était des chardons qui poussaient, les mêmes chardons identiquement, et qui semblaient dire « Nous sommes là pour y rester, ne vous déplaise, et nous y resterons. » De guerre lasse, la communauté avait acheté un âne et l'avait mis à paître dans ce lieu qui eût dû être pour lui un lieu de délices. Mais l'âne avait maigri et se dessinait désormais sur le coteau en manière de squelette, car les chardons empêchaient l'herbe de croître et n'étaient pas de ceux qu'un âne peut manger. Pour l'empêcher de mourir, il avait fallu donner de l'avoine à la pauvre bête, contre toutes les règles de la sobriété pratiquées au couvent. Le père Arsène contemplait la maigreur du baudet et se disait, malgré ses principes religieux, que décidément la Providence avait parfois des voies bien impénétrables, lorsqu'une idée lui vint avec un souvenir. Entrant sur le terrain ingrat qui n'avait pas besoin de clôture, hélas, au contraire, on était obligé d'y attacher un piquet son locataire récalcitrant pour qu'il n'allât pas chercher ailleurs meilleure fortune. L'archimandrite décapita quelques-uns des plus beaux spécimens de cette fleur opiniâtre qu'il emporta chez lui. Pendant plusieurs jours, le père Arsène parut si préoccupé que les moines n'osèrent pas lui parler, malgré sa grande bonté. Non pas qu'ils eussent peur d'être mal reçus, mais ils sentaient bien que leur supérieur avait Martel en tête, et ils n'auraient voulu pour rien au monde lui causer du dérangement ou du souci. Vers le milieu de la seconde semaine, le couvent fut convoqué jusqu'au dernier frère converse, et le père Arsène s'exprima ainsi en présence de ceux qui lui étaient subordonnés. Mes chers frères, mes chers enfants, nous avons bientôt d'accuser la Providence, quand c'est à nous seuls, et à notre faiblesse qu'il faut nous en prendre de nos peines. Chacun de vous connaît le champ de Chardon qui s'étend jusqu'aux rives de la Bérésina, et personne n'ignore combien nous l'avons trouvé inutile et même nuisible. Cependant, il contenait une richesse que nous ne savions pas apprécier, et que le Seigneur m'a découverte l'autre jour. Ces chardons sont des chardons à fouler, espèces rares et recherchées. Avec la laine de nos moutons, que nous tissions à grand-peine jusqu'ici, nous allons faire du drap excellent, qui nous vêtira désormais. Si la volonté du ciel ne s'y oppose pas, notre communauté fera un bénéfice net de 2000 roubles par an. Cette communication fut accueillie avec stupeur. On osait y croire. Comment ces chardons auraient-ils été bons à quelque chose? Il fallut pourtant se rendre à l'évidence quand deux ouvriers venus de Moscou apprirent aux frères à employer les chardons. Une bâtisse élémentaire s'éleva bientôt sur les bords de la Bérésina, dont les eaux purifiées ne servent plus qu'au travail, après avoir roulé tant de cadavres. Et 2 ans après, non seulement l'économie annoncée par le père Arsène était réalisée, mais la fabrique de draps foulés donnait au couvent 6000 roubles de bénéfices. Tel était l'homme qui désormais, revêtu de longues robes traînantes d'étoffe noire, coiffé du bonnet cylindrique coupé au sommet, qu'entoure des voiles d'étamine noire, passait sa vie à faire du bien autour de lui, sur toutes les échelles, petites et grandes, et pour le moment paraissait principalement occupé du plaisir de se retrouver avec des gens qu'il aimait. « Vous aviez cessé de m'attendre, » répéta-t-il, en promenant ses yeux souriants sur les visages qui l'entouraient et qui tous portaient l'empreinte d'une joie filiale. « Vous aviez promis de venir, père Arsène, » dit Madame Roussoff, « mais vous êtes si occupé. » « Il y a des occupations de tous les genres, » répondit le vieillard, avec un sourire plein de bonhomie malicieuse. « Celle qui m'amène parmi vous ne rentre pas dans mes attributions ordinaires. » Il regardait Mademoiselle Roussoff en parlant. Celle-ci devint soudain très pâle et quitta le salon en faisant signe à Benjamin de la suivre. « Elle a compris, » dit le père Arsène aux parents étonnés. « C'est d'un bon présage pour le sujet qui m'amène. » « Vous ne le devinez pas, mes amis. Votre fille sait pourtant ce que c'est. » Monsieur et Madame Roussoff le regardaient toujours avec des yeux ébahis. Il devint grave. « Mon jeune ami Valérien Moutine a été très frappé des mérites de votre fille Agrippine, mais il pensait bien que vous ne voudriez pas donner votre enfant à un inconnu sans fortune. Depuis 18 mois, il a travaillé jour et nuit pour obtenir la place du médecin de l'hôpital de notre ville, et il vient enfin d'être nommé. Une clientèle solide lui est assurée. De plus, il a mon amitié. Pour gage de bonheur, il voudrait mettre sa jeune épouse sous ma surveillance, sous ma protection. Voulez-vous m'accorder pour lui la main de votre fille Agrippine ? Les parents étaient pris fort au dépourvu, car ils n'avaient jamais eu soupçon de pareille demande. Madame Roussoff regarda son mari. « Sans doute, père Arsène, dit-elle en hésitant, le fait seul de vous être chargé de cette proposition plaide en faveur de votre protégé. C'est bien la première fois et probablement la dernière, interrompit l'archimandrite en souriant, que je suis chargé de négocier un mariage. Mais ce jeune homme a-t-il parlé à notre fille? Sait-il s'il a quelque chance de lui plaire? Valérien m'a assuré n'avoir jamais abordé de semblable sujet avec votre enfant. Il attendait d'être fixé sur son sort pour s'en ouvrir à elle comme à vous. Puis, au dernier moment, le courage lui a manqué et c'est moi qui l'a délégué. M. Roussoff n'avait rien dit. Il prit la main de sa femme et se leva. « Ma chère, lui dit-il, si tu m'en crois, il en sera ce que voudra Agrippine. Si tu t'en souviens, Ma position quand je t'ai épousé n'était pas aussi assurée que par l'être celle de ce jeune homme, et pourtant, si ce mariage plaît à notre fille, qu'il se fasse. Mon seul désir est de la voir heureuse. » Madame Roussoff pleurait silencieusement, mais elle ne fit pas d'objection. « Appelez mademoiselle, » dit M. Roussoff en passant la tête dans la pièce voisine. Au bout d'un instant, pendant lequel personne n'avait parlé, Groucha entra. Son blanc visage, plus blanc que jamais, ses yeux gris cernés par une émotion intérieure, trahissait seul le trouble de son esprit. Elle se tint debout devant les trois arbitres de son sort. « Groucha, » lui dit M. Roussoff, « notre ami le père Arsène est venu porteur d'une proposition qui te concerne. Veux-tu épouser le jeune Valérien Moutine, qui l'a chargé de demander ta main ?» Les yeux d'Agrippine se voilèrent un instant, puis elle les leva sur son père. « Je le veux, » répondit-elle d'une voix assurée, « avec votre bénédiction et celle de ma mère. » Les parents échangèrent un regard, et la mère détourna son visage pour cacher ses larmes. « Tu ne le connais presque pas. Crois-tu que tu pourras être une bonne femme pour lui ?»« Je le crois, » répondit la jeune fille avec une nuance de fierté. « Es-tu bien sûre de ce que tu affirmes ?» insista le père, effrayé d'une décision si ferme, à laquelle il était loin de s'attendre. « Alors, tu l'aimes ?» Le visage de Groucha se couvrit de rougeur, mais sans hésiter, quoique d'une voix légèrement émue, elle répliqua « Je l'aime. » « Que le Seigneur soit avec toi, alors, » soupira le père. « Tu as trouvé ta destinée, puisses-tu être heureuse ?» Les parents bénirent leur enfant après l'archimandrite. Puis la nouvelle fiancée s'assit auprès d'eux pour prendre connaissance de ce qui la concernait, de tout ce que le messager de Valérien pouvait lui dire sur l'homme qu'elle avait ainsi librement choisi. Le jeune médecin fut mandé le jour même, et le soir, à l'heure du thé, Benjamin apprit que sa sœur allait se marier. Cette nouvelle ne produisit pas sur lui une impression très vive. Il se déclara satisfait quand il connut le prétendant et n'y pensa plus au bout d'une heure. Un peu avant de se séparer, le père Arsène s'approcha de Groucha, qui, toujours calme, mais plus pensive que de coutume, gardait sa contenance ordinaire. « Pensez-vous, jeune fille, » lui dit-il avec un demi-sourire, « que vous me deviez quelque reconnaissance ?» Les yeux de Mademoiselle Roussoff répondirent éloquemment. « Eh bien, faites-moi un peu de musique, s'il vous plaît, ce sera mon salaire. » La jeune fiancée se dirigea vers le piano et joua une sonate de Mozart. Ce genre de musique, plus calme, moins passionnée que la musique moderne, était celle qu'elle préférait lorsqu'elle voulait imposer silence aux véhémences de son cœur. Quand elle eut terminé, le père Arsène la remercia, et chacun se retira pour repasser en soi-même les impressions de cette journée qui venait de prendre tout à coup une importance inattendue. Les deux jours qui devaient s'écouler avant l'arrivée de Valérien Moutine étaient assez difficiles à employer. Une certaine gêne pesait sur la maison, non que les parents en voulussent à leur fille de s'être ainsi décidée. Ils avaient agi à peu près de même autrefois pour leur propre compte, mais ils étaient un peu contrariés de n'avoir pas accordé plus d'attention à ce jeune homme qui allait devenir leur gendre. « C'est toujours comme cela, » dit M. Roussoff à sa femme, qui ressentait cet ennui plus vivement que le père. « En attendant, il faudrait s'occuper à quelque chose. Il pleut, les promenades ne sont pas bien faciles. Faisons venir Demian avec son violon. Il y aura de quoi intéresser le père Arsène pendant toute la journée de demain. » Le lendemain, les deux fils du prêtre furent invités à déjeuner. L'accident de Victor, qui avait si brutalement interrompu sa carrière projetée, lui assura sur le champ la sympathie du père Arsène. « Que comptez-vous faire désormais ? » demanda-t-il au jeune infirme. « Ce qu'il plaira à Dieu, » répondit celui-ci avec douceur. « Je ne suis plus bon à grand-chose, mais je puis encore aider aux autres. » « Vous ne vous sentez pas le désir d'entrer au couvent ? » demanda le père Arsène, plutôt par habitude que par désir de faire un prosélyte. « Non, non, votre grâce, je ne suis pas fait pour la vie de couvent. J'y ai pensé bien souvent. J'aimerais mieux vivre en famille avec Demian, et quand il sera marié, je l'aiderai à élever ses enfants. J'ai quelques livres, je travaille un peu de temps en temps. Je crois que je ferai une espèce de précepteur assez convenable pour eux. » L'archimandrite approuva de la tête. « Et vous, jeune homme, dit-il à Démian, c'est vous qui embrasserez l'état sacerdotal ?» En se voyant ainsi interpellé sur un point si délicat, notre ami rougit et se troubla. Mais il avait déjà assez appris de sagesse au séminaire pour savoir trouver une réponse ambiguë. « Je m'y prépare, » répondit-il, sans oser lever les yeux. Le père Arsène connaissait trop bien son monde pour ne pas deviner quelque mystère. « Est-ce de votre plein gré ? » demanda-t-il, sans avoir l'air d'y attacher d'importance. Démian resta muet. « Eh ! » fit le moine, comme s'il n'avait pas entendu la réponse du jeune homme. Faisant un grand effort, le jeune séminariste leva les yeux et répondit franchement. « Non, votre grâce, ce n'est pas de mon plein gré. » Le père Arsène le regarda avec attention. Ce garçon lui plaisait. Dans les habits laïcs que les jeunes séminaristes portent chez eux pendant les vacances, il avait une grâce et une élégance peu ordinaires, et que la coupe déplorable d'un tailleur de petite ville ne pouvait parvenir à déguiser entièrement. Un duvet noir ombrageait déjà sa lèvre supérieure, et malgré les yeux plus pensifs et l'air plus réfléchi de Victor, c'est Démian qui paraissait l'aîné. « On a toujours une raison pour guider ses actes et ses pensées, » reprit le moine, sans sévérité. « Quelle est la raison qui vous empêche d'aimer l'état ecclésiastique ?»« On ne veut pas que je joue du violon, » répondit Démian, honteux de donner une si mauvaise raison et incapable d'en trouver une autre. « Ah, c'est le violon que vous aimez de la sorte, » fit le père Arsène, de plus en plus intéressé par cet étrange garçon. « Voulez-vous me jouer quelque chose ?» Les dames étaient toutes prêtes, et Démian commença une sonate de Beethoven avec un serrement de cœur qu'il n'avait pas encore connu. C'était la première fois qu'il avait un public, car jusque-là, les êtres familiers depuis son enfance ne lui avaient pas paru l'écouter. Il n'y prenait pas seulement garde. Une tension nerveuse lui fit froncer les sourcils. Ses yeux noirs se fixèrent sur la page musicale, et avec une vigueur qui surprit ceux qui le connaissaient, il attaqua la partie. Ce n'était plus le même garçon. La pensée qu'il passait devant un juge qu'il sentait bien disposé et qui en même temps était éclairé, le transformait et lui donnait des ailes. Son visage enfantin, devenu mâle sous l'effort de la concentration qu'il subissait, rayonnait comme celui d'un néophyte et véritablement, à cette heure solennelle pour lui, Démian confessait sa foi. « Mais, mon garçon, dit M. Roussoff quand il s'arrêta. « Je ne te connaissais pas ce coup d'archet. Tu as joliment travaillé depuis l'année dernière. »« Pas au séminaire toujours, » murmura le jeune homme, moitié triste, moitié souriant. Interrogé, il dut raconter ses malheurs, et il le fit avec une entière franchise, sans déguiser sa fraude innocente. Le père Arsène faisait de son mieux pour avoir l'air grave, mais ses yeux bleus souriaient, et il ne pouvait empêcher certains mouvements de se produire au coin des lèvres dans sa barbe blanche. « C'est très mal, » dit-il pourtant, « de tromper vos supérieurs. »« Je le sais, votre grâce, mais à qui cela peut-il faire du mal que je joue du violon ?»« La règle, mon fils, la règle. Nous n'avons pas à la discuter, nous la subissons par esprit de mortification. » Démian ne paraissait pas se soucier beaucoup de l'esprit de mortification. Et l'archimandrite resta convaincu que ce musicien ne ferait qu'un médiocre serviteur de l'autel. Mais comme ce n'était pas son affaire et qu'il n'était point consulté, il garda son opinion pour lui seul. « Vous ne mangez pas de poisson, père Arsène ?» lui dit Madame Roussoff pendant le dîner. « Non, je vous remercie. »« Ce n'est pourtant pas jour de jeûne et d'abstinence, » insista le médecin. « Pourquoi refuser une chose permise ?»« C'est mon idée, » répondit le moine en souriant. « J'ai mon petit système, et aujourd'hui, si vous le voulez bien, vous me laisserez dîner avec du pain et des légumes. Mais que cela ne vous dérange pas. Figurez-vous que j'ai mangé de tout jusqu'à en commettre un péché de gourmandise. » Il souriait d'un air si calme. Ses yeux exprimaient tant de bonté que sa volonté fut respectée. Après le repas, il prit Démian par l'oreille et le conduisit près du piano. « Recommencez votre sonate, mon cher ami, » lui dit-il, « et jouez-la de votre mieux. » Groucha, qui feuilletait dans le cahier, regarda attentivement le moine et sans élever la voix, elle lui dit avec respect. « C'est pour avoir de la musique que vous vous êtes privé de poisson, père Arsène ?»« Taisez-vous, mademoiselle, » répondit-il en souriant. « N'essayez pas de pénétrer dans les consciences. » Elle lui jeta un regard attendri. La pensée que ce vieillard jeûnait pour pouvoir s'accorder sans remords une jouissance artistique, compensant ainsi par une privation l'élément de plaisir qui entrait dans sa vie de ce jour, lui inspira une vénération nouvelle pour l'ami de Valérien. Elle joua pour lui comme elle n'avait jamais joué pour personne, et ses deux élèves donnèrent au père Arsène presque un concert de maître. Après l'adagio, il se leva et fit un geste de la main. « Assez, » dit-il, « je vous remercie. La fin de la sonate !» cria M. Roussoff d'un ton suppliant. « Écoutez la fin !»« Non, il ne faut pas être gourmand, » répondit le vieillard. Puis, d'un ton de regret, il ajouta. « Cela me ferait trop de plaisir. Soyons raisonnables. »